بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مع بعض. سنخوض الآن درسنا الثاني من هذا الكتاب، القواعد الفقهية، يعني المنظومة لبويزي دي قواعد الفقهية للإمام السعدي رحمه الله تعالى. Après la dernière fois qu'on avait pris la tarjama du mu'allif, on avait pris le farq alladhi huwa bayna usul al-fiqh wa al-qawa'id al-fiqhiyya. On était entré dans le kitab wa khadna qa'idatayn min mathq. On avait pris également min al-qawa'id al-kubra khamsa tadhkuruha, 5 des règles majeures. الخمسة التي أخذناها. أمور بمقاصدها. أمور بمقاصد. أنا مش تمنى بالي قواعد الكتاب كنا بريش. قال في المقدمة نبقي 5 règles majeures. Après, on a commencé le livre et parmi ces 5 règles majeures, une est revenue dans le livre. Ah oui. الأمور بمقاصدها. À la base, celle-là était dedans. اليقين لا يزال بالشك. Aïwa, al-yaqin, la certitude ne part pas avec la, le doute. Oui, sur, je sais, quand on n'a pas de délai sur une chose, on revient à la chaleur. Je ne sais pas si c'est... Al-ada. On revient en coutume, je veux dire. Al-ada, muhkam. Les coutumes. Si ça ne comprend pas la chaleur. Aïwa, c'est considéré. Quelque chose d'interdit avec, par exemple, avec des exemples de la cigarette. Il n'y a pas de délit clair sur cette cigarette. Et vu que ça nuit, par exemple. La darara ou la dirara. Pas de nuisance à soi-même ou aux autres, ou à volonté ou à volontaire. Taïb. Vous voyez, vous voyez. On a écrit un livre, ok, là. Elle m'achète pas, non? المشقة تجلب التيسير. Que la difficulté emmène à la facilité. Voilà, c'est un cours de William Kazalik. Après, on avait pris des règles du kitab. Minha, al-umur, bimaqasidiha. Yani, en fait, que les actes ne valent que pour leur attention. Et on a pris quoi, Kazalik, avec sur le fait d'attirer les bonnes choses et de repousser les choses qui sont là. Et de repousser les choses qui sont là. Aïe, ouais. Jalb ou dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. On est pris quoi, Kazalik? La religion est basée sur la masalih. Il n'y a pas une chose que Allah nous a ordonné sans que ce soit un bien, ou total ou partiel, ou qu'il n'y ait une chose sans qu'elle soit un mal, ou total ou partiel. C'est ce qu'on avait pris. Elle est le nouveau asile. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح il veut dire par là que si jamais les bonnes choses, tu as différentes actions à faire, tu en as plusieurs à faire. En un seul moment, tu fais la meilleure d'entre elles. Quand même, si tu as un moment où tu ne peux pas, tu as plusieurs actions que tu dois accomplir et que tu ne peux pas toutes les faire, alors tu fais prédominer la meilleure d'entre elles. Adam. قال المؤلف إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما فعلت. Donc là, comme il a, comme on l'expliquait, si jamais tu te trouves dans une situation où tu dois deux actions à faire et que tu ne peux faire les deux en même temps, ou à ce moment-là, il a dit, tu fais prédominer la meilleure des deux. Mathalan, tu as deux actions, tu as une action à faire, wajib, et en même temps, tu as une sunnah à faire. Et qu'est-ce que tu fais prédominer? Le wajib. Et le dalil, c'est le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, hadith Abu Huraira, قال تعالى وما تقرب إلي عبد وعبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. Que mon serviteur ne se rapproche de moi d'une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc, par rapport à ça, c'est Nari qui va t'apprendre en certaines situations comment agir quand tu ne sais pas comment faire. Un exemple. Quelqu'un rentre dans le masjid. Taïeb, il veut boire. On sait que boire, le sunnah, c'est de boire assis. Il rentre dans le masjid, il a l'eau d'eau. Ou un mutawaddi, il a l'eau d'eau. Il veut boire de l'eau. Après, en buvant, il dit, ah, j'ai oublié. Faut boire assis. Taïeb, parce que boire debout, c'est makro. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il boit. Sinon, il boit debout, voilà. Parce qu'il dit, je n'ai pas fait rakatein. Et rakatein, al-qawl rajih, c'est wajib de le faire avant de s'asseoir. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il boit debout. C'est makro, mais s'il s'assoit, il va faire un haram. Donc à ce moment-là, il boit debout. Il aura quand même le makro, comme ça va venir, mais dans la règle qui vient, qui est la sœur de celle-ci, avant celle-là. Ou par exemple, les ulama ils prennent ça comme exemple, tu rentres dans le masjid, Yom al-Jumu'ah. Wa al-mu'adhdhin yu'adhdhin. Beaucoup de gens demandent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais rakatayn et je m'assois? Ou je le fais après l'adhan? Avec cette règle-là, tu sauras comment agir. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Si vous entendez l'appel, والحديث متفق عليه عن أبي سعيد الخدري. Si vous entendez l'appel, alors dites comme dit le مؤذن. Donc c'est مستحب. C'est مستحب de faire cela. Donc les ulama disent, il attend de dire ce que dit le مؤذن après faire la rakatayn, après il s'assoit. Parce que quand il lance la rakatayn, il va les faire. Donc qu'il repousse un peu ma vigée. Comme ça, il dit ce que dit le muadhin, il prend le âge de l'adhan, et après, il fait la rakatayn, après, c'est ça. Et d'autres disent non. Ils disent non. Il fait la rakatayn pendant l'adhan, et après, il s'assoit. Pourquoi? Parce que écouter la khutbah, c'est wajib. Et le fait de dire ce que dit le muadhin, c'est mustahab. Donc il dit non, il fait rakatayn pendant l'adhan, comme ça il s'assoit et écoute la khutba depuis le début, parce qu'il est obligé de le faire. Donc pourquoi repousser un wajib alors qu'il peut le faire maintenant? Donc moi au début je voyais le premier call, et après j'ai entendu un shir dire non, ce call là, je dis non, ce call là il est plus fort. En fait. Parce que si jamais tu retardes les rakatayn après l'adhan, tu vas faire rakatayn pendant que l'imam yartoub. À ce moment là c'est jaïs pour toi. Mais tu aurais pu l'éviter. Être assis depuis le début, écouter la khutba depuis le début. Et le fait de dire ce que dit Mouazin, c'est pas wajib. Donc tu fais quoi? Tu t'arranges pour faire le wajib en premier. Comme des gens ils font kazalik, qiyam al-layl. Ils font qiyam al-layl. Avec khushur. Après il arrive le matin à l'heure du fajr, il dort. Il condamne quoi en premier? Donc l'homme, s'il voit que ça va lui faire du mal, alors il le fait en premier. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam conseillait, ou plutôt non, enfin, il conseillait à Abu Huraira de faire en début de nuit, par crainte qu'il ne passe pas en fin de nuit, passe à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, si tu vois que ton qiyam va t'empêcher de faire ton wajib, alors tu le codes d'âme. Tu fais plus tôt pour dormir. Car le fajr, c'est wajib. Ok, mais là, c'est pas wajib. Kadhalik. Certaines ibadah nafila, c'est rogatoire. Talab al-ilm, c'est meilleur que c'est ibadat. Donc des fois, tu fais quoi? Tu les codes d'âme. J'ai rapporté un affaire de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui faisait un ders après la salat. Et quelqu'un s'est levé après la salat, ça devait être au dhuhr, pour faire un rakatay sunnah. Dans la quête après le dhuhr, en sunnah. L'imam Malik l'a dit, Alladhi nahnu fihi khayr min alladhi anta fihi. Ce que nous faisons maintenant est meilleur que ce que tu fais toi. Le ders qu'on fait maintenant là, est meilleur que les sunnahs que tu es en train de faire là actuellement. Ceux qui sont sunnahs. Si tu veux faire un ders, même. C'est pas s'il y a un ders qui se fait. Un ders qui se fait, bien sûr avec un cheikh salafi, oui, oui. Un ders mu'tabar kaza. Et au moment où tu fais une salat nafila, tu prends le ders. Aoula lak. Maintenant tu veux faire la katine. T'as hâte le masjid pour t'asseoir, c'est autre chose. Mais là, t'arrives, t'as fait la salat le Maghreb. Il y a un dars juste après. Quelqu'un qui se lève une kalima, fait une muhadara ou fait un rappel, assieds-toi et écoute le rappel. Il y a un petit dars qui se fait quand c'est la kada, ouf, écoute, et après tu l'es fait. Hein? Ada. Il y a plein d'exemples, mais Ada ou le Maksoud. Donc tu fais quand même le wajib sur le sunnah. Et tu codes le sunna sur le mubah, ce qui est permis. Et ainsi de suite. Thumma qal. Maintenant, il va citer les règles qui sont les mêmes, mais dans le sens contraire. Qal. Wadidduhu tazahimul mafasidi. Yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Wadidduhu tazaham. Ou tazahumu al-mafasidi. Yurtakabu al-adna min al-mafasidi. Donc maintenant, tu es dans une situation. Quand tu vas te trouver contraint à faire une chose mauvaise, malgré toi, ben toi tu fais celle qui est la moins mauvaise des deux. Tu codes d'homme celle qui est la moins mauvaise des deux. Ou quand on dit mauvaise, pas forcément mauvaise, mais une chose, la phalène, qui peut être peut-être le délaissement d'une autre chose, en fait. Un exemple qui n'est pas une chose mauvaise, mais qui est un délaissement. Une chose qui, à la base, aurait été bonne, des bases qu'on connaît, mais là, dans la maslaha, il valait mieux la délaisser. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Zuhwaysera, ce Khariji, qui a dit, « I'adil ya Muhammad. » Sois juste au moment Muhammad, on s'est fait le partage. Je crois que c'est Walid ibn Khalid ibn Walid, il a voulu le tuer. Il a dit, « Da'ani adrib unuk adal munafiq. » Laisse-moi lui couper la tête à ce munafiq. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « La. » حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. Ne le tue pas pour pas qu'on dise que Mohammed tue ses compagnons. Alors c'est un munafiq qui méritait de se faire tuer. Mais le fait de le tuer, ça aurait pu amener plus de mal pour la da'wa. Donc il a, le fait de ne pas le tuer aurait apporté moins de mal que si on l'avait tué. Alors qu'à la base, il faut le tuer. Nabi Salam qu'il faut tuer les Khawarij. S'il les rattrape, il les combattrait. Donc ça a des choses qui t'incitent à les tuer. Mais là, il t'a dit non, ne le fais pas. Parce que si tu fais ça, là, dans le hal dans lequel on est là, ça va être une mafsada pour nous. Pour la da'wa. Il y a ça. Également, comme exemple, il y a Al-Khadir. Al-Khadir avec Moussa avec Al-Khadir. Moussa alayhi salam. C'est rendu auprès de Khadir, comme on se rappelle le Kahf. Et le Khadir a fait trois actions. Première action, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abîmé un bateau. Des gens qui travaillent avec ce bateau, des pauvres. Al Khadir, il a abîmé le bateau. Qu'est-ce qu'on a pris comme règle au début, règle majeure? La darar ou la dirar. Ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abîmé légèrement le bateau. Qui à la base, c'est une chose qui n'est pas permise. Mais il a dit quoi? Allez, arrête tout à nous, Ibaha, parce qu'il y en a où il y a un malikoun Yakhuzukulu safinatin rasba. J'ai voulu l'abîmer car il y avait derrière eux un roi sur les mers qui prend tous les bateaux des gens. Donc mieux valait pour eux que j'abîme un peu leur bateau, qu'ils puissent le garder, plutôt que je le laisse comme ça intact et qu'après le roi il vient et prend tout. Vaut mieux un bateau toujours, il y en a toujours présent mais un peu abîmé, que rien du tout. Donc la maslaha c'était quoi à ce moment-là? Pour préserver le bateau, il fallait l'abîmer un petit peu. كذلك ذاك الغلام الذي قتله je le garçon qui l'a tué. Quand Moussa l'a interrogé, il a dit pourquoi tu l'as tué? Par la suite, il a dit car lui, ses parents sont des croyants et par sa cause, ils auraient dévié par la suite. Donc vaut mieux tuer cet enfant maintenant, là, comme il est maintenant, plutôt que laisser grandir sur le couf et emporter ses parents avec lui. Il l'a tué. Mais tout ça, attention, c'est mené la wahi. Khadir à la sahih, c'est un nabi, c'est un prophète. Ma fa'atu an amri. On a dit, je n'ai pas fait cela de moi-même. Donc de quoi il l'a fait? Nil wahi. Parmi les preuves que c'est un nabi, Moussa alayhi salam, il ne va pas aller se déplacer faire talab al-ilm chez un être humain qui est moins que lui. C'est un messager, c'est un prophète. Donc forcément, il est parti prendre un autre prophète. Pas d'un être humain comme ça quelconque. Fahim ta'ala? Donc par exemple, demain, tu as une chose à faire entre un haram et un makrouh. Qu'est-ce que tu vas qu'à dedans? Makrouh. Si tu n'as pas le choix, bien sûr. Donc là, ça amène à regarder les masalih, les mafasid dans les umours. Tu regardes loin. Qu'est-ce qui va apporter plus de mal? Tu le délaisses. Qu'est-ce qui va apporter plus de bien? Tu le fais. Une action en elle-même, devant toi, peut te paraître comme étant immense. Et en réalité, une qui apporte moins de récompense de façon relative peut apporter un bien plus grand pour la Ummah de façon générale. Parmi les adillas que les ulama y prennent, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé la Kaaba car il voulait la bâtir sur les fondations d'Ibrahim alayhi salam. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il a dit à Aïcha, « Laoula koumou hadithu bil islam, la hadantu al Kaaba wa la banaytuha ala usus Ibrahim. » Si ton peuple n'était pas nouveau en islam, j'aurais détruit la Kaaba pour la refaire sur les fondations d'Ibrahim. Mais il aurait fait ça maintenant, ça aurait été une mafsada parce que les gens ne vont pas accepter. On dit comment? On a fait ci, on s'est soumis, on l'a suivi, on l'a obéi, on a cru en lui, et maintenant il vient et casse la Kaaba. Ils vont dire comment? Ça fait beaucoup quand même, tu vois. Donc pour éviter ce genre de choses dans les doufous de certaines personnes, peut-être. Et là on ne vise pas les sahaba en soi, les marloufs. Mais après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre eux, ils ont apostasié. Donc pour éviter justement que cela n'amène à des choses dans les noufous peut-être, voyez, il ne l'a pas fait. Alors qu'à la base, c'est une chose bien de le faire. Mais il y avait mieux encore, c'est quoi? Garder l'esprit des gens clair sur l'islam. Azaou. Et les ulémas se servent de cette règle-là, bien qu'ils ne soient pas d'accord, pour les intikhabat dans les pays de Kouf, tout ce qui est vote élection. Ils disent Ada, Akol et Dararain. C'est le moindre des deux mots. Mais cette règle-là, là, moi, je ne la vois pas du tout. Quand ils disent, par exemple, Chir, on est en pays de Kouf, Mathalène, c'est tout le temps la même rengaine qui sort. Et là, on a des candidats au présidentiel, Mathalène. Et si un tel, il passe au pouvoir, il va nous faire du mal. Donc, les ulama disent, et Chir, il y aura forcément un qui va passer au pouvoir. La seule façon d'arrêter, c'est de voter contre l'autre, pour l'autre, qui est moins mauvais que lui. Donc, les ulama disent, bah, pour la bête de Maslaha, vaut mieux que tu votes alors. Parce que si tu votes pas, lui va passer au pouvoir. Donc en votant, tu l'empêches de passer au pouvoir, bien que voter c'est interdit. Donc vote pour lui, comme ça ça empêchera l'autre, le pire là, de prendre le pouvoir. Ça parle même de ça. Ouais, ben plein, ils disent tous ceux qui ont osé l'intikhabat, c'est ça qu'ils ont vu. Ou alors qu'ils ont dit que ouais, si jamais vous votez, peut-être qu'après, il y aura une maslaha pour vous. Les musulmans sont plus nombreux, sont plus en force. C'est tout le temps ce la beb. Oh, il y en a qui disent non, mais je parle de ceux qui ont dit oui. Parmi les ulama de la salafia, la plupart qui ont fait le shihad, c'est elle-ci qui se base. Vous voyez? Et nous on dit, malgré cela, l'intikhabat c'est haram mutlaqan, t'as pas rentré dedans. Car t'as pas de garantie que l'autre qui va rentrer au pouvoir là, que tu crois qu'il est moins pire des deux, il va pas être pire après. T'as aucune preuve de cela. C'est un truc zéni. Alors que cette règle là, c'est pas sur les choses, à la yakin, une chose sûre qui va se passer. Demain, là, ils vont dire, ouais, on vote pas pour Marine Le Pen, donc pour la peine, on va voter pour Foulen, le deuxième. pour empêcher que Marine Le Pen passe au pouvoir, comme c'est le cas actuellement là. Ça se trouve Marine Le Pen en pouvoir, sans le vouloir, fera des choses qui seront meilleures pour les musulmans. Dans quel sens? Ils sont obligés de partir. Tellement ils auront peur et qu'elle va mettre des pressions qu'ils disent allez, c'est bon, rentre en pays d'islam. Eh ben c'est ça qu'on veut de vous. Vous rentrez en pays d'islam. Donc tu votes ni pour un tel ni pour un tel, tu quittes le pays de Kouf. C'est tout ce qu'on te demande de faire. Et même tu votes, tu rentres pas dans leur vote, Allah il va pas te châtier. Hein. Même si Marine Le Pen n'a pas son pouvoir, Allah il va pas te châtier. Hein. C'est pas de ta faute, hein. À la base c'est pas ton pays, c'est pas tes lois. C'est pas tes lois. Donc tu fais quoi? Tu rentres dans une chose qui n'est pas la tienne pour essayer d'arranger une chose. Pour mettre au pouvoir un kafir. Laisse-les tous. Et pars. Et même on dit que c'est le pire des Khoubassa qui passe au pouvoir, Allah il va te protéger, Inch'Allah Ta'ala, que, car quoi? Car la Ta'ala, wa man yattaqillah, yajalahu makhraja. Celui qui craint Allah, il lui accorde une issue. Donc toi, ma'alik min hadha. Par contre, tu restes là-bas et tu veux rester, là, là c'est autre chose. Là, c'est pas Marine Le Pen qui va te faire du mal. Et c'est pas l'autre, c'est toi qui va te faire du mal tout seul en restant chez les Koufars. Cheikh Fouzan, mesela, il avait été interrogé par rapport à ça. Il avait une réponse que oui, jiddan. J'avais lu sur un article il y a longtemps, il fait interroger sur l'intikhaba, sur les votes. Il a dit, chien, on en paye de couf, kaza, kaza, kaza. Pour qui on vote? Il a dit, ça vous regarde pas, vous avez qu'à quitter le pays. Ça vous concerne pas, tout ça. Il dit, voilà, ça, c'est une réponse. Ça ne te regarde pas. Car là-bas, c'est pas ton pays, c'est un pays de couf. Tu n'as rien à y faire. Ça ne te regarde pas ce que ces gens-là, ils font. Toi, si tu es bloqué là-bas, fais ta vie, préserve-toi de leur mal, autant que tu peux. Et ça, c'est en remettant Allah, pas avec le président Fulani. Tamam? Et si jamais tu veux partir, t'es obligé de partir. Donc voter, ça portait quoi de voter? Tu rentres dans leur système et tu cautionnes leur chose. Et t'as pas de daroura. T'as pas de daroura à faire cela. Tamam. Thumma qal. Ma fouma du qaïda? Non. Qal. Qaïda tout, taïb. Qaïda tout sharia tout taïsiru. في كل امر نابه تعسيره. Ça revient à l'une des qaïdas majeures qu'on a pris au début, qui est que la charia, c'est la facilité. Dans toute situation où tu auras à faire une difficulté, une chose pénible, insurmontable, la religion t'apportera une facilité pour elle. Mais un exemple, demain, hein, tu es en France, tu as un khabith qui va rentrer au pouvoir, et t'en as un qui est Akal Khoubsan qui va rentrer au pouvoir. On dit pas il est pas khabith, c'est un khabith, mais il est moins, peut-être, en apparent. C'est quoi la facilité? C'est de voter pour l'un le moindre des deux? Non, c'est de partir. On dit c'est quoi le taïsir là-dedans? Allah, il t'a mis la hijra. Il t'a permis de quoi? Comme des gens, ils aiment pas dire, de fuir. Tu veux, oui, je me sauve. Ça s'appelle se sauver, n'am. Devant un ennemi, tu sais que tu n'as pas la capacité de l'avoir. Et tu vas prendre avec toi des troupes qu'il ne faut pas en mesure de faire face à l'ennemi. Vous allez tous se faire massacrer et par la suite, tu n'auras plus personne. C'est-à-dire l'ennemi va encore plus se propager. Donc le meilleur, c'est quoi? Repartir en arrière, se renforcer pour vous faire face. Donc là, on avait parlé comme à Qala Ta'ala, « Wa ma ji'ala alaykum fi dina min haraj »« Adamin adillah » que Allah ne veut pas de gêne pour vous. « Wa Qala Ta'ala »« Yuridu Allahu bikum al-yusr »« Wa Allah yuridu bikum al-usr » que Allah veut pour vous la facilité. Et non la difficulté. Quoi, c'est les adillah de cette qaïda qu'on a déjà pris au début du livre. C'est quoi le nom de cette qaïda? Que ça revient à cette règle-là. Que la difficulté amène à la facilité. Et bien sûr, on a expliqué facilité, légiférer. Donc des fois, ça peut être un tarfif, et des fois, ça peut être un tartil. Des fois, ça peut être une adoration. Elle est minimisée, elle est amoindrie. Mathalen, elle casse le safar. T'es en voyage, tu peux raccourcir les salawat et les réunir. Ça, c'est un tarfif. Des fois, t'as un tartil bikulliya, comme le fait de siyam. Celui qui est voyageur, il peut ne pas jeûner s'il veut. C'est pas il jeûne un peu, il jeûne pas du tout. Ou le jumu'ah pour le musafir. Il ne le fait pas du tout. Hein? Mathalen. Hein, c'est, des fois, c'est un tarfif seulement. Et des fois, c'est un tartil, le kulliya. C'est-à-dire que l'adoration, tu n'as plus à la faire, toi. Donc, cette règle-là, on l'avait déjà prise la dernière fois. Mais c'est le taïsir, elle masse à la djawalabain. Le fait d'essuyer sur les chaussettes. surtout en hiver. Ça facilite de ne pas avoir à chaque fois les enlever, de remouiller tes pieds. Le tayammum, c'est un taïsir pour celui qui est malade ou qui ne trouve pas d'eau. C'est un taïsir. Le ta'addud, la polygamie, c'est un taïsir. Bien que ça te facilite des choses, et de l'autre côté, ça peut te rendre des choses plus compliquées aussi. Ça dépend comment tu fais face à la chose. Mais pour celui, par exemple, qui a beaucoup de shahawat, la falaine, c'est un taïsir pour lui. Celui quand sa femme elle est malade, c'est un taïsir pour lui. Et même pour la femme. Quand elle ne veut plus se marier, par exemple, elle est un peu âgée, ou elle a déjà des enfants, ou par exemple, c'est une femme, elle ne peut pas avoir d'enfants. Beaucoup de frères ne veulent pas se marier avec elle. Il y a un frère qui a dit, moi, je suis prêt à la prendre en deuxième. C'est un taïsir pour elle. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi le meilleur pour toi maintenant? Bah tiens, on vient à la règle. Elle dit, non, je ne veux pas être deuxième, moi. On dit, bon, on rappelle la règle, que si tu as le choix entre deux choses, choisis la moins mauvaise des deux ou la meilleure des deux. C'est quoi le pire pour toi? Un célibat, bikulliya, et faire face à toutes les fitaines qu'une femme seule peut avoir, le fait d'avoir à sortir de chez toi, à tomber dans les retilettes, à parler à des hommes, à faire des choses toute seule, ou alors avoir un mari, ce qui est de toi, et une coépouse. C'est quoi le pire des deux? On va dire que pour ton nefs, le pire des deux, c'est la polygamie. Et pour ton dîn, le meilleur des deux, c'est la polygamie également. Car en tant que femme coépouse, tu ne tomberas pas dans les moukharafas de sortir chez toi que tu auras un mari qui s'occupe pas de toi, tu vois. Alors que dans le cas contraire, tu es seul célibataire, tu auras affronté les situations, tu n'auras pas de mahram. Demain, tu vas faire le hajj, je ne pourrai pas faire le hajj. Pourquoi tu n'as pas de mari? Je parle d'une soeur qui n'a pas de frère ni rien aussi, hein, dans le cas où elle n'a pas de mahram. Donc c'est quoi le meilleur pour toi? Elle dit non, je ne veux pas être co-épouse, je ne veux pas, je refuse. On dit, bah, tu vois là, c'est quand on va être là qu'on prend maintenant là. Tu devrais déjà comprendre que dans ce que tu vois comme étant un mal à tes yeux, bah, prends le moindre des deux. La polygamie sera moindre pour toi que le célibat. طيب بعد هذا قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار qu'il n'y a pas d'obligation dans la capacité et qu'il n'y a pas de haram dans la contrainte. Ça veut dire alors que tu n'es pas capable de faire une chose, tu n'as pas, tu peux, ça revient un peu à la règle précédente. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث حديث أبي هريرة بما أذكر ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ce que je vous ai ordonné de faire faites comme vous le pouvez وقال تعالى واتقوا الله ما استطعتم craignez Allah comme vous le pouvez c'est-à-dire demain une chose obligatoire tu ne peux pas la faire quand même cette obligation ne t'accompagne plus. Un exemple, comme on citait aujourd'hui, la hijra. Demain, la hijra, à la base, dans les pays comme la France, où tu ne peux accomplir ta religion, elle est wajiba. Demain, quelqu'un est là en France, il ne peut pas la faire, la hijra. Il a des problèmes, des choses qui l'empêchent, des excuses légiférées. C'est plus wajib sur lui. Et ça revient à quoi? Un taïsir. C'est lié. Demain, par exemple, un frère, il veut partir, et sa mère, elle est seule, elle a besoin de lui. Quand même, elle a besoin de lui, sa mère. Elle n'a que lui. Ben, ce frère-là peut rester. Ce n'est plus obligatoire pour lui de partir. Un frère qui a une grave maladie, qui n'est soigné que dans le pays où il est, par exemple en France. Il n'y a pas d'autres soins ailleurs. Il n'y a qu'en France qu'il y a les soins pour sa maladie. Ben, lui, il n'est pas coradien, il ne peut pas faire la gira. Donc il reste dans le pays. Et lui, à ce moment-là, on a rajouté Allah an yahfaza. Car c'est malgré lui, lui veut partir, mais il ne peut pas partir. Donc là, il avait protégé. Comme Ibrahim, lorsqu'il fut jeté dans le feu. Allah, il en a fait quoi? Donc on dit barda wa salama à Ibrahim. Soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Maintenant, c'est pareil. Toutes les fitaines qui sont en France, comme ça, Allah, il va t'en épargner, Inch'Allah, parce qu'à la base, tu restes malgré toi. Tu ne sais pas comme celui qui restait là-bas volontairement. Toi, Allah va te préserver, bizna ta'ala. Dans ton cœur, il sait que tu veux partir. Tout comme il a qadar sur toi, malgré toi, que tu ne pars pas. Donc, Allah, il n'est pas injuste. Tu vois qu'après, il va t'arriver des choses. Là, tu voulais partir, et le fait que tu sois resté en France, tu dévies ton harif, ou ta tête, ou tu tombes dans je ne sais quoi, alors que toi, tu voulais partir. Mais une chose, malgré toi, tu as retenu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allah haram al-hum al-nafsi. C'est pas possible. Également, il a dit après par la suite, et pas de muharram dans les tirar. Quand tu es contraint de faire une chose qu'on appelle ad-daroura. La chose n'est plus haram pour toi. Et c'est, ça, c'est l'aïe qui est connue qui est un ad-darourat tubih al-mahzourat. Que les choses de daroura rendent permises les choses interdites. Un exemple, aller chez le tabib, chez le médecin, pour qu'il t'ausculte. À la base, kashf al-awra, c'est pas permis. De montrer tes parties intimes. Ben là, t'as pas le choix. T'as une maladie, faut que tu fasses ausculter par le tabib, tu veux te déshabiller devant lui. Une femme pareille, devant un homme étranger, c'est un tabib, il n'y a qu'un homme pour la soigner, elle a une maladie dangereuse. Elle a le droit de se déshabiller devant lui. Elle, elle veut pas. Ses maharim ne veulent pas. Donc, t'as pas le choix, là. Là, c'est une daroura. Ou demain, elle va se faire opérer. Obligée, elle va se trouver dans le cabinet, dans la salle d'opération, sans son mahram. Avec les chirurgiens et tout. Là, c'est une daroura. Elle aura le droit. Donc, à ce moment-là, c'est plus haram sur elle. Il n'y a pas de péché sur elle. Et c'est quoi qui fait la daroura? C'est ma yahsoul biha l'insan darar la yatahammalhu fi nafsihi wa mali wa irdihi. C'est tout ce qui amène une nuisance à l'être humain qui ne supportera pas dans ses biens, dans sa propre personne ou dans son honneur. Quand on dit honneur, c'est pas qu'on l'insulte. C'est par exemple sa famille, sa femme, ses enfants. Des choses qu'il ne supportera pas qu'on leur fasse. Donc là, dans ce moment-là, Mathalène, le ulama dit, tu peux mettre ton argent dans les comptes en banque. Car, par exemple, demain, quelqu'un, il veut voyager dans un pays, il a beaucoup d'argent. Il a peur de le perdre, ou qu'on lui vole, ou qu'on le saisisse. À ce moment-là, le ulama dit, tu le mets dans un compte en banque. Le temps que tu voyages, une fois que tu es arrivé à l'abri, tu récupères ton argent, Mathalène. Mais il y a des ulama comme Cheikh Albani, ils voient un nom quand même. Tu fais pas. Ça, c'est leur avis. Des fois, se raser la barbe, c'est interdit. Demain, tu as des soins à faire. Une opération chirurgicale au niveau de la mâchoire, de la joue. Chose grave à faire. Faut qu'il te rase pour ça. Il va te raser. C'est pas interdit pour toi, à ce moment-là. Fahim tahada? Tayyib. Donc là, c'est cette règle-là, que les choses de daroura, les vraies daroura, pas les daroura que les gens s'inventent. Par exemple, des fois, les gens disent, ouais, aller étudier dans la mixité, c'est une daroura aujourd'hui. On n'a pas le choix. Je suis non, t'as le choix. D'ici demain, tu ne vas pas étudier dans la mixité. Est-ce que tu crains un mal pour ta personne? Il va te dire non. Tu crains un mal pour ton argent? Il va te dire non. Tu crains un mal dans ton honneur? Il dit non. Il n'y a pas de daroura, là. Ça ne te nuit en rien du tout. Naam. Après, une règle qui suit par rapport à ça. Par rapport toujours à la daroura, une fois que tu tombes dans l'interdit, quelle quantité tu avais besoin de faire? Et elle va te dire maintenant. Qal wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura biqadriha biqadri ma tahtajuhu ad-darura wa kullu mahdhurin ma'a ad-darura biqadri ma tahtajuhu ad-darura. Donc tout interdit avec la daroura, tu le fais en mesure du besoin de cette daroura, pas plus. Pas plus. C'est quoi le dalil de cette règle-là? C'est le hadith de Hind, Zawjat Abi Sufyan, radiallahu anhuma, lorsqu'elle a dit, Ya Rasulallah, Inna Abi Sufyan, Rajoun Shahih, wa ma yu'tini ma yakfini, wa li ibnihi. Fa hal li an akhudh min malihi? Qala, khudh min mali ma yakfik, laki wa li ibnik. Elle a dit, Ya Rasulallah, Abu Sufyan, c'est un homme qui est avare. Il ne me donne pas ce qui me revient pour moi et mon fils. C'est-à-dire un nafaka. Il dit, ai-je le droit de prendre dans son argent ce qu'il le voit? Il a dit, prends de son argent de ce qui te suffit à toi et à ton fils comme besoin. Tu ne prends pas plus. Car à la base, prendre de l'argent dans la du mari sans son accord, ce n'est pas permis. Mais là, c'est son wajib. Son droit à Abou Sofiane, apparemment, de ne pas ce que son droit lui soit rendu. Hind. Donc elle a dit, est-ce que tu veux prendre ? Prends, mais tu ne prends pas plus que ce que tu as besoin. Tu ne dépasses pas. Car à la base, ce que tu fais, ce n'est pas permis. Mais dans ton cas à toi, tu peux le faire là maintenant, mais juste la limite suffisante. Mathalan, quelqu'un demain, il est dans une terre déserte. Il va mourir de faim. Et il trouve une bête morte qui n'a pas été égorgée. Il va en manger pour vivre, sinon il va mourir. Est-ce qu'il attend de manger jusqu'à ce que, mashallah, yajba? Non, il mange ce qui lui permet de pouvoir survivre. Et il prend avec lui, s'il veut, s'il sait que le voyage va être encore long, pour survivre sur le voyage. Je sais pas, par exemple, il va mourir, il mange, après il dit, ah, mashallah, la viande, elle est bonne, et il rajoute. Non. Il se contente du besoin. Je sais pas si, je connais pas la phrase qui résume cette règle, mais c'est que dans la darura, tu penses qu'il suffit. Voyez, t'achouz ma yakfik fi darura. Fi hada al ma'na. Ça amène à quoi cette règle? La femme, on revient à l'exemple de la femme qui se fait ausculter par le tabib. Mathalan, elle a une douleur à la cuisse, à la jambe. Le tabib de l'ausculter. Il dit, le tabib, déshabillez-vous, madame. Est-ce qu'elle se déshabille entièrement? Elle a mal que ici à la cuisse, mathalan, ou au mollet. Est-ce qu'elle est en sur hijab et tout ce qui est en haut? Non, elle n'a pas la peine. Je dis, on lève juste la partie que tu as besoin de voir. C'est tout, le reste, pas besoin de voir. Là. C'est pas se déshabiller totalement. Elle dit, c'est bon, regardez, j'ai mal au mollet. Et là, en haut, tu es tout déshabillé, madame, il y a cela. Je dis juste, elle enlève la partie qui a besoin d'être auscultée. Si elle a mal au pied, elle monte son pied. Elle a mal au mollet, elle monte le mollet. Elle a mal à la cuisse, elle monte la cuisse. Elle a mal au bras, elle monte son avant-bras. Elle monte la partie qui doit être auscultée. Maintenant, si une autre partie doit être découverte pour une raison qui est liée à l'auscultation, la baisse. Il y avait un frère qui m'avait raconté que c'est un tabib qui a fait tawba, un musulman. Il détestait les salafis. Il n'aimait pas les salafis. Bon, les femmes toutes couvertes comme ça et tout. Et un jour, il y a un frère qui est venu avec sa femme, couverte. Elle était malade. Tu vois? Et ben, elle a fait quoi? Il l'a fait se déshabiller toute nue, entièrement. Alors que le besoin de la femme n'impliquait pas tout ça. Il l'a fait exprès pourquoi? Pour humilier le frère. Et après, il a fait tawba, après, il a dit à des frères, j'ai fait ça, astaghfirullah, j'ai fait exprès de la mettre toute nue, juste parce que je ne l'aimais pas. Ou dans ce sens-là, il m'avait expliqué, le frère m'a raconté. En tout cas, il l'avait forcé à se mettre toute nue, pour faire du mal à son mari, volontairement. Alors qu'il n'est pas besoin de le faire. S'il voulait, découvrir juste la partie dans le besoin. Mais comme eux ne savaient pas c'était quoi le mal, comment fallait faire, il a profité de leur ignorance. Il a dit à ses habits. Ou il n'aimait pas le hijab. Je sais qu'il y avait une raison. Je ne sais plus vraiment c'est quoi là. C'est un longtemps, on m'a dit ça, on m'a raconté. Le muhim, ce tabib-là, à la base, aurait pu se contenter de découvrir la partie qui était atteinte du mal. Et il a fait exprès de faire que la femme se déshabille entièrement. Pourquoi? Pour s'en prendre à elle ou au mari. Je me rappelle plus c'est quel des deux. En tout cas, il a fait exprès. Après, il a fait tout au bas de ça. Mais il avait avoué, tu vois. Il a dit une fois, un frère est venu, j'ai fait ça exprès et tout. Après, il a fait tout au bas. Pour dire même le tabib, attention, on va avoir un tabib qui te confiance. Tout là, c'est des pervers. Tu viens exprès, ils vont dire, ouais, c'est une femme musulmane, une salafia. Il a la rage contre les salafis. Même un musulman. Hein. T'as des frères, ils vont voir avec leur femme, allez, elle a mal. On a que deux tabibs, mathalan. T'as un musulman, ça revient à la règle. Le moindre des deux mots. T'as un tabib musulman et t'as un tabib kafir. Pas mal? Lequel tu prends des deux? Les deux sont au même niveau dans la ma'alifa. Lequel des deux tu prends? Le musulman. Tu dis, il craint Allah, il va faire attention. Il va pas trop regarder. Et parmi eux, c'est des foussas, Kari. Il montre que ça doit regarder. Toi, toutes ces règles-là, elles t'amènent à savoir comment te comporter dans une situation. Quand t'as un mal, lequel des deux est le moindre des deux? Quand t'as un bien, lequel qui est le meilleur? Pour les Zalika. Une daroura, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit d'en faire plus? D'en faire moins? Pour les Zalika. Tout ça, t'apprends à savoir comment te comporter. Après, la règle. Qu'on est pris dans les Qawaid al-Kubra, al-Khamsa fil Bidaya, les 5 règles majeures, là, il la répète. Wa tarji'u al-ahkamu lil-yaqini. Fala yuzilu shakku lil-yaqini. Wa tarji'u al-ahkamu lil-yaqini. فَلَا يُزِيلُ أَشَّكُ لِلْيَقِينِ. Donc que les choses sont basées sur la yakin, la certitude. que la certitude ne disparaît pas avec le shak. Que tu as le doute d'une chose et tu as la certitude d'une chose. C'était quoi l'exemple? C'est quoi le hadith qu'on avait pris? Déjà, le dalil, c'est le hadith d'Abi Huraira, de cet homme qui se plaignait de trouver des choses dans son ventre. Il ne savait pas s'il avait eu des gaz ou pas. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yansarif hatta yasma' sawta aw yajid riha » Il ne sent pas la salade tant qu'il n'entend pas un bruit, il ne sent pas une odeur. Qu'il soit sûr. Car il est sûr qu'il a fait l'odo. Maintenant, est-ce qu'il a perdu l'odo ou pas? Il ne sait pas. Il doute. On dit, tu restes sur la yakin. Parmi les exemples que le shiri donne, demain, un homme, il est marié. Il s'est marié avec une femme. Et un jour, il s'est disputé avec elle. Après, il réfléchit, il dit, je l'étends là ou pas? M'en rappelle plus. Il réfléchit comme ça. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Il ne sait plus. Il doute. On dit, écoute, t'es sûr qu'elle est ta femme? Il dit, non, khalas, elle est ta femme. Reste sur la yakin. Et si demain, par contre, t'as une chose qui te prouve que tu l'as vraiment talak, là, tu doutes, t'es plus sûr. Est-ce que tu l'as fait ou pas? Donc, reste sur le asl, c'est qu'elle est ta femme. Et que tu ne l'as pas talak. Et également, celui qui fait des rakats dans la salat, il ne sait plus combien il a fait. Il arrive, il a fait 3 rakats, mesalan. Après, il doute. J'en ai fait 4 ou j'en ai fait 3? Yokal fi hadha al-hal, t'es sûr que t'en as fait 3? Non, juste du tout, est-ce que j'ai fait 4e ou pas? Reste sur 3, rajoute une 4e. Et après, tu fais ce jeu de ça. Prends le minimum sûr que tu as fait, et rajoute le reste, et après, tu fais ce jeu de ça. Ça rentre là-dedans. Fi hadha. Et ça rentre dans la règle qui s'appelle l'istishab. Istishab. Si tu reviens sur la base des choses. Tu reviens à la base des choses. Tu restes sur la base des choses, ce qui t'amène à être rassuré dans beaucoup de situations et de ne pas avoir de wa service. Et ça, istishab, tu le prends dans ou sous le fiqh. Là, on va s'arrêter là aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Donc, on a pris quoi comme règle aujourd'hui? On a pris comment agir lors d'un choix entre deux bonnes actions, laquelle on fait? La meilleure. Ce qui fait de pas la meilleure. Non, la plus meilleure. Ce qui a fait de plus de masalih, qui apporte plus de bien. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, en soi. C'est pas. Demain, on avait pris, c'était un wajib, c'était un mustahab. Demain, tu as la salat, fi masjid al-haram. Elle vaut 100 000 salat. Quand même, elle fait 100 000 salat. Et à côté, tu as un ders, un autre masjid où il y a un alim qui donne un ders dans un sujet dont tu as besoin. Et ça, alim, il fait que là-bas. Et tu n'as pas le temps de faire salat au masjid haram et après d'aller dans le ders là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au ders. L'inaou anfa'alak, ou les reliques, c'est ma barbe. Vous voyez? On parle d'une chose, d'une science que tu ne pourras pas avoir ailleurs à un autre moment. Et là, c'est une force, une force. Donc là, tu dis au voir, je vais faire salat là-bas, dans le masjid qui est là-bas, parce qu'il y a le alim fulani, comme ça je suis talab al-ilm. Car talab al-ilm, c'est meilleur que l'ibadah munfarida, à la base. C'est quoi ton wajib, c'est faire le voir. Pour toi, dans ta maslaha, charsi à toi par rapport au hasanat, le masjid haram, c'est meilleur pour toi. Mais après, pour toi, dans ton dîn, de façon générale, dans le mustaqbel, et les gens pour la da'wa, ce genre de choses, il faut que tu fasses talab al-ilm. Donc tu vas faire salat là-bas, à ce moment-là. Tu vas là où il y a le alim qui donne le ders. C'est la règle, tu donnes ce qu'il y a de plus de masalih. Il y a plus de maslaha à apprendre un ders, que faire une salade pour toi. On a pris la règle contraire, que lorsque tu te trouves dans une situation où il y a un mal qui se présente à toi, tu fais le moindre des deux. Ou tu délaisses, tu as par exemple entre le fait de faire une chose ou en délaisser une, tu délaisses celle qui apporte le moins de mal. Par exemple, kazalik. Tu fais ça qui fait moins de mal. J'ai dit quoi, moi? Ah, Afwan, c'est Bakalissan. Je voulais dire, tu délaisses ce qui fait plus de mal et tu fais ça qui fait moins de mal. Non, c'est ça. On a appris que la charia amène à la facilité lors des difficultés. On a appris qu'il n'y a pas de wajib dans la capacité et qu'il n'y a pas de haram dans la contrainte. On a appris que lors de la daroura, tu prends ta haja. Tu ne dépasses pas. Tamam. Et on a appris que le yakin, la certitude, ne disparaît pas par le doute. Tu as fait une chose dont tu es sûr, et une autre dont tu doutes, reste celle dont tu es sûr. Min adillat adil qa'ida, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Avant. Donc ça qu'on a appris aujourd'hui, je pensais qu'on allait pouvoir en prendre plus, mais bon. Et en plus, j'ai même pas lu le kalam de l'auteur. J'ai dit la règle, les exemples. Fakat. Même son char, regarde, il est court. Chacun que c'est court. طيب فإلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك